fais des compositions originales en français? Braque tous les projecteurs sur ton projet musical en participant à la 25e édition des Francouvertes. Pour cette année anniversaire, le concours vitrine de toutes les musiques t'offre plus de visibilité que jamais, en plus de courir la chance de gagner de nombreux prix. Tu as jusqu'au 5 novembre pour briller de mille feux en visitant lefrancouverte.com pour connaître tous les détails et t'inscrire. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM. Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Le Festival international Nuit d'Afrique présenté par TD vous donne rendez-vous du 27 septembre au 31 octobre. Pour cette 34e édition spéciale, découvrez gratuitement 8 concerts en ligne. Des concerts diffusés en live sur notre page Facebook. Les jeudis 8, 15, 22 et 29 octobre dès 20h. Restez connectés. Chaque semaine, on vous dévoilera la programmation en ligne. Plus d'infos sur festivalnuitdafrique.com. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. Centraide.uqam.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Parlant de poubelle homosexuelle, mon nom est Jess PVM et la distanciation sociale, pour moi, c'est très facile. Tout le monde se tenait déjà très loin de moi. Merci. Continuez. Parlant de poubelle homosexuelle, toujours dans l'ordre de rose, moi, c'est Charlie, puis pendant ma dépression de confinement, j'ai écrit un album en entier pour livrer ma tristesse intérieure qui s'appelle « Dedans novembre ». Ça arrive de sortir bientôt. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Non, on n'est pas tout seul. Alors, on est avec Alicia Kazobinka. Bonjour. Alicia, qui est porte-parole de Massimadi depuis, tu me corriges si je me trompe, 6 ans? Depuis 2018. Depuis 2 ans. Ah, 2018, depuis 2 ans. Mon Dieu, ouais. Je t'ai donné plein d'années d'ancienneté. Ah, on est en 2024, là. Gars, fast forward, la gang. Moi, j'ai pas besoin de la vivre cette année-là, là. Alicia, qui a aussi beaucoup travaillé avec l'organisme Arc-en-Ciel d'Afrique. Et on est avec Laurent Lafontaine. Bonjour. Bonjour. Laurent, qui est coordonnateur du festival Massimadi. Oui, et aussi le président de la Fondation Massimadi. Et le président de la Fondation Massimadi, rien de moins. Alors, aujourd'hui, on parle de représentation des personnes LGBTQ noires dans l'espace médiatique et culturel au Québec. On jase casually de l'état du racisme systémique à l'intérieur de nos communautés. Et on joue à un jeu qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on en pense » avec Alicia et Laurent pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Alors, on va aller chercher un premier café en allant voir la belle murale Black Lives Matter dans le village. Et on vous revient au vrai caféiné. Piou! Fait qu'on a cherché la murale Black Lives Matter dans le village. Puis finalement, ben, ils l'ont déjà enlevé. C'était pour le stunt. Ouais. Ils ont partagé la photo. La photo est plus là. Fait que... Avant toute chose, Alicia et Laurent, pouvez-vous nous en dire plus sur Massimadi comme organisation puis pourquoi ce festival-là existe depuis 12 ans? Donc, et la Fondation Massimadi a été créée en 2018, mais le Festival Massimadi a commencé depuis 2009. C'est parce que le Festival Massimadi a commencé sous l'égide d'Arc-en-Ciel d'Afrique. C'est un organisme qui s'occupait de la communauté LGBT noir en général, qui offrait différentes sortes de services de sensibilisation et de briser l'isolement. Donc, l'organisme a dû fermer ses portes en 2017. Mmh. Et donc, vu qu'il y avait encore du financement et l'équipe voulait toujours continuer à faire quelque chose, plus l'équipe de Massimadi, donc, une fois que l'organisme a fermé ses portes, on a continué, on a créé l'organisme qui est la Fondation Massimadi pour pouvoir continuer avec le festival Massimadi. Donc, c'est ça. Parce que c'est ça, Massimadi, c'est un festival de films. Oui, un festival et des films et des arts LGBTQ+, afro. Et on va célébrer notre 13e édition en en février 2021. Et le but du festival, c'est de promouvoir les cultures LGBT afro. Donc, on présente des films qui viennent de l'international, que ce soit de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique du Sud, des Antilles, de l'Amérique du Nord. On essaie de couvrir un peu toutes les communautés noires qu'on peut retrouver à travers le monde. Et on présente aussi des artistes locaux, photographes et performeurs, des artistes de la scène, pour faire ressurgir aussi les talents, nos talents parmi nous. Et tout ça, c'est dans le but. Et oui, notre festival a pour but aussi de lutter contre le racisme et le racisme et l'homophobie et la transphobie. Mais aussi, c'est vraiment aussi de créer, au-delà de ça, c'est aussi de créer des ponts entre les différentes communautés qui occupent Montréal. Aussi, lutter contre l'invisibilité. Comme on peut savoir, vu le fait que les personnes noires n'occupent pas beaucoup l'espace culturel et montréalaise, ou bien en ce moment, on commence à avoir un intérêt et oui, tranquillement. Pour cela. Tranquillement. Et... Trop tranquillement. Donc, nous, speed c'est it up, la gang, là. Go, go. Parce que Marcy m'a dit, justement, on croit que c'est important et que les personnes puissent se voir pour se construire. Parce que si on ne se voit pas dans les écrans ou bien dans la littérature, dans la culture, ça confirme notre invisibilité et puis ça confirme le fait qu'on ne mérite pas d'exister. Donc, Marcy m'a dit, en montrant ces images-là, c'est pour que les personnes concernées puissent se voir et que ça puisse contribuer à leur construction de soi. Et pas seulement les personnes concernées, c'est que pour les autres personnes aussi puissent comprendre ces réalités-là pour pouvoir mieux interagir avec les personnes qui occupent la même société qu'eux. Toi, Alicia, ça fait 2 ans que tu es porte-parole pour Massy Madi. Qu'est-ce qui t'a amené vers le festival et la fondation? Tout d'abord, merci de me recevoir parmi vous. Ben là, ça fait tellement plaisir. Alors, moi, tout a commencé en 2012. Ça faisait déjà 5 ans que j'étais arrivée à Montréal. Et dans ce temps-là, j'étais quand même, on va dire, assez jeune, c'est 22 ans. Et venant d'Afrique, puis toutes les réalités que j'ai dû vivre, en arrivant ici, j'ai voulu m'impliquer. Je voulais m'impliquer parce que je voulais essayer de sensibiliser et changer un peu la mentalité des gens et les éduquer et de leur montrer qu'on peut bien être une personne de la communauté LGBT et noire en même temps et qu'il n'y avait vraiment aucun mal à ça. Donc, dans ce temps-là, on m'a parlé d'arc-en-ciel d'Afrique. Puis j'ai décidé, je me rappelle très bien, c'était en janvier, février 2012, d'aller et de m'inscrire. De là, je me suis inscrite en tant que bénévole. De bénévole de 2012 jusqu'à 2017. Puis en 2017, on m'a contacté pour être en charge des réseaux sociaux pour Massy Madi. Et c'est là qu'en 2018... Ils m'ont approché, ils m'ont demandé ben qu'est-ce que t'en penserais si tu serais la porte-parole, parce qu'on cherche en fait quelqu'un qui va représenter, qui va être une voix pour Massy Madi. Directement au début, j'étais comme moi non merci. Mais là genre non merci, c'est comme mais j'aime quand même la courbe. Là. C'est ça, la courbe, moi, de, genre des médias sociaux à vraiment comme l'influenceuse en chef là. C'est genre, ça, en avant-plan là. Non, c'était comme vous êtes sûr aller chercher puis c'est ça, puis je me suis dit bon écoute c'est une chance puis quand même j'étais là depuis un moment, et je trouve que ça serait quand même une bonne façon pour entendre, vraiment faire porter ta voix, puis celle de Massy Madi. Après quelques hésitations, puis avec Laurent, j'ai finalement accepté, puis c'est ça. Donc ça, là, c'est rendu que c'est la deuxième année, puis ça va pas pire, ça va c'est pire, c'est pas mal. Voilà un peu le parcours, comment ça a commencé d'une simple bénévole à être rendu vraiment au premier rang en tant que porte-parole. C'est quand même tout un chemin. Ouais. Ben, c'est un chemin qui ressemble un peu au festival lui-même, parce que le festival a commencé dans des petites salles à l'UQAM. C'est ça. Puis aujourd'hui, Massy Madi, c'est une institution. Là. C'est... D'ailleurs, c'est un des rares festivals qui a eu lieu en 2020. Puis aussi, on le retrouve aussi, oui. Massy Madi, en Belgique aussi. Oui, donc c'est pas juste ici au Canada, maintenant il y a en Belgique. J'ai eu la chance d'y aller récemment en mars dernier, même si avec la pandémie, tout s'est arrêté la même journée. Mais c'est quand même, Massimadi est aussi disponible et également présent en Belgique. Donc, c'est pas une petite affaire. Ça a commencé à être quelque part, puis c'est ça, on est content de voir où c'est rendu aujourd'hui. Non, j'allais juste dire qu'effectivement, ça a commencé. Au début, ça se voulait juste une activité pédagogique pour sensibiliser au sujet de la double discrimination. Mais en 2014, c'est vraiment devenu un festival aussi culturel de films et des arts. Et puis, on a continué sur cette tangente. Puis, dans le fond, c'est un festival qui centre les personnes noires, mais la programmation englobe pas nécessairement que des films faits ou mettant en scène des personnes noires. Fait que qu'est-ce que vous gardez en tête en faisant la programmation, en fait? Premièrement, les thématiques doivent concerner les réalités des personnes noires LGBT. Okay. Effectivement, tous les films ne sont pas réalisés par des personnes noires LGBT ou bien par des personnes ou des personnes noires. Et donc, c'est le sujet qu'on priorise, c'est la thématique. Mm-hmm. Et ensuite, évidemment, les films qui sont réalisés par des personnes noires sont beaucoup favorisés et privilégiés. Mais en même temps, ça n'arrive pas non plus. Effectivement, les premiers réalisateurs à aborder les sujets de l'homosexualité dans les communautés noires, c'est ce genre de thématique-là, c'était des réalisateurs blancs aussi. Donc, ben maintenant, on commence à avoir beaucoup plus de films par et pour aussi. Donc, et aussi, c'est vrai qu'on cible les communautés noires, mais effectivement, des fois, on peut cibler d'autres communautés racisées aussi, mais c'est important quand même qu'il y ait des personnages noirs dedans. Par exemple, je me rappelle qu'il y a 2 ans, je crois, qu'on a présenté un film qui s'appelait White Rabbit. Ça parlait d'une Coréenne, oui, aux États-Unis, à Los Angeles, une femme queer qui racontait son expérience de femme queer et d'origine asiatique à Los Angeles. Et au cours du film, elle est tombée amoureuse. Elle a eu une relation avec une femme noire, qui, elle, n'était pas queer, par exemple. Mais le film abordait quand même cette thématique interculturelle asiatique et de communauté noire. Et en même temps, le point de vue de la personne asiatique, du moins, partageait beaucoup de points en commun aussi avec les communautés racisées. Donc, ce dialogue interculturel aussi est intéressant à voir. Une autre exception aussi, c'est vrai que cette année, on a eu un film qui s'appelait Skies Are Not Just Blue. Skies Are Not Just Blue est un documentaire montréalais qui est sur la communauté queer musulmane, avec 3 queer musulmans à Montréal, qui racontent leurs expériences comme personnes queer et musulmans, dont 2 d'origine palestinienne à Montréal. Et donc, encore une fois, même si ce n'était pas des communautés noires, on a considéré que c'était quand même un point de vue intéressant à avoir qui n'est pas beaucoup abordé. Et on a quand même apporté cette dynamique afro parce qu'on a amené une femme noire, queer et qui porte le voile à venir et faire un panel avec les personnes qui étaient dans le film et le réalisateur. Donc, c'était vraiment un dialogue entre ces différentes communautés et musulmanes et queer qui dialoguaient entre eux. Et les deux ont appris beaucoup parce que, évidemment, même s'ils sont des communautés musulmanes, ils ne se fréquentent pas forcément aussi. En même temps, on a pu aborder aussi le racisme qui existe à l'intérieur même des communautés musulmanes aussi, et aussi le sexisme aussi qui est abordé aussi. Donc, c'était plusieurs, vraiment, vraiment des questions intersectionnelles et chacun apprenait sur les réalités de l'autre. Et pour nous, c'était important, c'est parce que c'est vrai que quand on parle des communautés musulmanes, on ne parle pas du tout des communautés noires. J'ai l'impression que les gens ont en tête des personnes arabes ou du Moyen-Orient, alors qu'il y a une forte communauté de personnes noires, musulmanes et gays. Parce que quand je me rappelle, quand j'étais à Arc-en-Ciel d'Afrique, on avait beaucoup de personnes de croyances musulmanes ou bien de cultures musulmanes de l'Afrique de l'Ouest qui venaient ici souvent souvent en tant que réfugiés ou demandeurs d'asile. Oui. Donc oui, on a voulu donner aussi une voix à ces personnes noires qui sont invisibilisées dans les communautés musulmanes aussi. Oui, parce que plus Massimadi grossit, plus ça offre l'opportunité d'abriter d'autres sujets puis de recouper avec d'autres gens. J'imagine que ça favorise, tu l'as dit, là, ça favorise beaucoup les échanges. Maintenant, en plus, oui. Massimadi, c'est quand même très gros. Et donc, ce qu'on a, oui, de plus en plus, on veut aborder les questions intersectionnelles aussi, pas juste noires versus communauté blanche, mais aussi à l'intérieur. Comme l'année passée, comme j'ai dit, on a fait avec la communauté musulmane, on l'a fait aussi avec la communauté autochtone. On avait un panel avec des artistes autochtones, afro-queer, pour parler justement du afro-futurisme et aussi de Indigenous Futures, qui est un peu l'équivalent de l'afro-futurisme, de projeter les communautés indigènes autochtones dans le futur et en même temps la même chose que l'afrofuturisme. Donc c'était intéressant aussi d'avoir ce dialogue là entre groupes racisés ou entre groupes qui vivent le racisme systémique et blanche disons mais qui souvent n'ont pas ce dialogue là non plus. Ouais. C'est cool de créer des espaces aussi où tu peux comme parler de points de vue situés sur comme une même thématique là. Oui. Et donc, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'intersectionnalité à faire aussi, parce qu'à l'intérieur de ces groupes-là, il y a aussi d'autres dynamiques d'oppression aussi. Oui. Donc, il est important aussi de soulever aussi et de discuter. On n'arrête jamais d'en trouver des dynamiques d'oppression. Sacrement, on va-tu en finir, Colis? Il y a souvent vraiment plus de films étrangers que de films canadiens ou québécois à Massimadi. Comment on s'explique ça? Puis qu'est-ce que ça dit sur nous comme Canadiens et Québécois? Grosse question. Et donc... Gêne-toi pas! Et bon, effectivement, et les films québécois sont très rares. Et puis quand on les trouve, on court après eux. On est très content de les avoir. Oui. Mais et cela s'explique, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça et c'est difficile de le résumer clairement. Évidemment, on peut résumer tout ça sur l'emblème du racisme systémique, mais c'est ça, le racisme systémique, c'est quelque chose de très complexe aussi. C'est pas une seule cause, c'est multiples causes en même temps. Donc, premièrement, pour parler de l'absence des films noirs queer à Montréal, faut dire aussi que le cinéma québécois est quand même très petit, même si il y a une forte culture québécoise, c'est vrai qu'elle est très, très blanche. Et pas juste très blanche, elle est très québécoise, vraiment. Mm-hmm. Que ça parle des réalités. Mais en même temps, elle n'est pas unique. Je vais me corriger. Elle raconte une certaine réalité de Québécois blanc francophone. Ah oui, non, mais ils viennent de sortir un film sur Maria Chapdelaine. Là. Ils n'en peuvent plus là, de juste sortir des vieilles affaires du terroir ou qui concernent seulement comme... vraiment un espèce de comme passé rural commun du Québec qui fait fantasmer les gens là, tu sais, c'est toujours des petits drames familiaux là. C'est encore beaucoup ça effectivement, bien que moi aussi j'aime la culture québécoise et les films québécois et je les consomme souvent au cinéma, mais oui, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup de diversité de ce Québec là, donc et il y a ça, et que ce soit à la télé aussi, dans la télé encore même chose, donc et les personnes noires, généralement, sont campées, ils doivent jouer le noir. C'est rare de voir des personnes noires qui jouent des personnages. C'est arrivé très rarement. Je sais, dans exemple, dans Galaxy près de chez vous, une ancienne, c'est arrivé où Didier jouait un personnage qui n'était pas typiquement forcément noir. Oui, et, avec Didier Lucien, oui. Et actuellement, à Télé-Québec, il y avait M'entends-tu, où ça, il y a un personnage noir, mais qui ne joue pas non plus forcément un personnage noir. Donc, c'est très timide, ces initiatives-là, mais en grande majorité, j'ai l'impression que s'il n'y a pas un personnage où c'est écrit typiquement qu'il doit jouer un rôle avec une problématique stéréotypée et noire, il n'a pas le rôle. Ouais. Et faut dire... Parce que je pense un peu, tu sais, cette année à la Saint-Jean-Baptiste, c'était justement Didier Lucien qui était porte-parole. Et la Fondation Saint-Jean-Baptiste avait dit Didier préférerait pas avoir à commenter le racisme systémique, ces choses-là. Puis ça m'a un peu donné l'impression que justement, comme tu dis, au Québec, les rôles qu'on donne aux personnes noires, c'est comme tu as dit, c'est pour jouer des stéréotypes, mais ça donne aussi l'impression qu'il n'y a pas de la place pour plus que un, deux, trois acteurs ou actrices noires. Est-ce que ça joue comme une barrière structurelle, le fait qu'il y a tellement peu de place que de devoir s'exprimer politiquement, c'est risquer sa carrière? Oui, il y a plusieurs, il y a plein de choses. Donc, je vais donner aussi mon exemple. C'est tellement une grande question qu'effectivement, il y a plusieurs points qu'on peut l'aborder. Ah ben oui. Moi, quand j'ai étudié en cinéma et j'ai fait mon cégep en arts et lettres et mes études cinématographiques et mes études universitaires en cinéma, j'étais souvent le seul noir de ma cohorte. S'il y avait d'autres noirs, il y en avait un l'année suivante ou l'année précédente, mais dans mon année, à moi, j'étais souvent le seul. Et c'est vrai que dans la culture haïtienne, c'était pas très bien vu d'étudier dans ce genre de métier-là, parce que c'était vu comme des métiers qui ne rapportent pas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi le facteur que, dans certaines communautés, ces métiers, de manière générale, parce que dans certaines communautés, de manière générale, ce sont pas des métiers, ce sont considérés comme des métiers à risque ou ça que, comme, à risque qui ne garantissent pas une survie. Et c'est vrai que dans la communauté haïtienne d'où je viens, la question de trouver un métier qui te permet de te nourrir était très, très, très primordial, très important. Donc, et surtout venant de communautés qui sont déjà défavorisées par le système. Donc, il y a ce besoin d'avant tout de trouver et d'apprendre un métier qui va te nourrir. Deux, il y a aussi le fait que quand tu ne te vois pas aussi représenté dans les médias, ça ne te fait pas et cultiver ce rêve ou imaginer que tu vas trouver du travail non plus. Ben ouais. Ou juste dans un truc très simple de si tu vois pas des gens qui te ressemblent, tu te dis pas « it could be me », tu sais. Oui, c'est ça. Donc, le fait que les gens ne se voient pas... Moi-même, personnellement, je ne pensais pas faire des films au Québec aussi parce que je me disais que... Oh oui, vu que je venais d'Haïti et que j'avais... Je me disais que avec les films que je voyais, on disait qu'il faut des histoires typiquement de Québécois blanches, vraiment. Ouais. Pour avoir son film fait. Donc, déjà là, il y a quelque chose qui casse aussi. Et il y a aussi les producteurs qui cultivent l'idée que le public veut voir. Ah, ben oui. Des personnes comme eux, entre guillemets, des personnes blancs, comme eux, avec des réalités similaires. Donc, il y a comme tout s'il n'y avait un travail, pas un public noir. Exactement. Mais, il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Donc, c'est un travail sociétal. C'est un siècle, dans le sens que il faut que les producteurs, les gens qui font les films, et soient au courant des communautés noires, les rencontrent et aient des amis dans leur cercle qui sont de ces communautés-là pour pouvoir les intégrer dans leurs films, pour pouvoir les intégrer dans leur culture. Il faut que les personnes noires aussi puissent pouvoir s'imaginer qu'ils peuvent avoir de la place dans ce milieu-là pour qu'ils puissent apprendre à aller dans des programmes pour étudier ces métiers-là. Et il faut aussi qu'il y ait pour développer le public, c'est ça. On dit qu'il n'y a pas le public, mais parce que le public n'est pas développé non plus. Donc, c'est un travail de développer le public. Et je dirais que ce n'est pas seulement la réalité au Québec et au Canada, par contre, je dirais. Et parce que, de manière générale, les films, l'exemple pour lequel je disais qu'il y a plusieurs causes, c'est que, les films LGBT, même les films LGBT qui sortent à l'imagination, ne sortent pas dans les salles québécoises. Ouais. Et le seul film afro et noir, queer, qui est sorti dans une salle au Québec, c'est Moonlight. Ça a été le seul. Oui. Ouais. Le seul, oui. Alors que Amassé m'a dit, on voit plein d'autres films de qualité qui sont même, moi, je trouve, qui méritent autant, sinon plus, d'être vus que Moonlight, mais qui ne seront jamais vus parce qu'on estime qu'il n'y en a pas de public pour eux. Et mais c'est facile de dire qu'il n'y a pas de public si tu n'offres rien à ce public-là. T'sais, comme tu dis, tu le cultives, ce public-là. C'est facile de mettre les gens dans le fait accompli de « Ah, ben comme il n'y a pas de public, on ne va pas le faire parce que tu n'es justement pas en train de créer ce moment-là. » Oui, mais c'est ça. Il faut le créer. Mais des fois, ça prend du temps. C'est vrai que ça se peut que tu mettes le film une fois, mais que ça passe invisible. Mais le créer, il faut aussi, c'est ça, en parler, trouver le public. Il faut un vrai travail. Et aussi, c'est vrai qu'il y a l'homophobie dans les communautés noires qui fait en sorte qu'on peut dire « Ok, mais personne ne va être intéressé à ça. » Ou bien dire... C'est comme même le réalisateur de Moonlight, je me rappelle, dans une émission française, on lui avait demandé « Vu que ton film parle des personnes noires, gays, qu'est-ce qui pourrait attirer le public blanc à voir ce film-là? » Donc, il y a toute l'idée que si un film ne parle des personnes noires queer, donc ça concerne un certain très, très niche de gens, donc pas beaucoup de gens vont le voir. Mais tu trouves pas ça fou à quel point, genre, les Blancs sont pas gênés de demander, genre, ouais, mais si le film, c'est qu'un casse noir, qu'est-ce qui va attirer les Blancs, tandis que ils voient pas le fait que de pas avoir jamais de personnes noires dans leur contenu, ça va pas attirer un public de personnes noires. Donc, c'est là qu'on parle, vous savez, comme le racisme est tellement ancré, parfois, qu'on ne le voit même pas, que ça devient sournois et que ça devient très naturel aussi. Moi, j'ai un plan, la gang. On pitch à la Sodec. On fait un remake de Maria Chapdelaine avec un all-black cast, avec juste Pour vrai, le Québec va capoter, là. Ça va être trop bon, gang. Là. Alors, genre, les Karens. On met ça queer, Maria est lesbienne. Genre, pour vrai, on réécrit ça va être fucking bon. Mais le cinéma, mais au niveau anglais, par contre, il y a des films qui il y a beaucoup plus de contenu anglais. Exemple, et à Toronto, à Massimadine, en février, on a présenté un film gay torontois qui raconte les 40 ans de la communauté afro-queer à Toronto, qui s'appelle Organs of Revolutions. Mais ce film-là n'est pas du tout sorti au Québec après à Massimadine. Même Imagination ne l'a pas projeté. Ah ouais. Sous-entendant qu'il n'y avait pas de public au Québec pour ça. C'est non, alors qu'on parle du. On en règle beaucoup des problèmes en disant qu'il n'y a pas de public pour ça au Québec. Oui, c'est. Et au fait, c'est ça. Donc, il y a toute cette question. Et cette question-là, je pense principalement le fait que le film aborde une certaine réalité de Black Lives Matter et le racisme est un peu tabou aussi. Parler du racisme est un peu tabou au Québec. Donc, pour éviter la chicane, certaines choses ne sont pas mises de l'avant. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand même ça. Il faut quand même se poser la question qu'un film torontois qui parle d'une réalité afro-queer noir à Toronto, auquel plusieurs noirs montréalais pourraient s'identifier quand même. Oui. Mais personne n'est au courant de ça si ça ne passe pas à Massimadine. Oui, c'est ça qui est quand même incroyable. Mais moi, je me demandais, il y a comme une espèce de queer renaissance en ce moment. Ça a commencé avec RuPaul's Drag Race, ça a continué avec Dragula. Maintenant, il y a la série Pose qui est sortie. Il y a Legendary aussi qui est sortie. Oui. Je me demandais c'est quoi votre opinion pour ça, parce qu'à chaque fois qu'on est dans le mainstream, c'est bon puis c'est pas bon, il y a des débats, il y a des enjeux. Je me demandais comment vous voyez ça, cette espèce de petite renaissance-là qu'on a, surtout à la télévision américaine, j'en conviens. Mais comment on perçoit ça dans la communauté noire en ce moment? Est-ce qu'on se dit youpidou ou est-ce qu'on se dit « Ah, ça pourrait être mieux? » Je suis sûr qu'on dit youpidou textbook, là. Alissa, tu veux dire quelque chose? Moi, personnellement, ça me fait vraiment très plaisir de voir comme des émissions pareilles avec quand même un grand public qui est quand même suivi. Comme Pause, personnellement, quand c'est sorti la première saison, j'étais comme « Oh my God, c'est comme juste maintenant en 2020 ». Puis moi, par exemple, c'est bête à dire, mais tu sais, je pense que c'est sur Netflix qu'il y a le film « Paris is Burning ». Donc oui. Moi, généralement, quand j'ai vraiment des dates Netflix, je suis comme « Ah, je vais mettre Paris is Burning » juste pour, c'est pour essayer d'éduquer, sensibiliser. Ouais, une pierre deux coups. Comme ça, t'as pas besoin de faire la job. On va checker un film, en même temps, tu vas t'éduquer. Tu vas rentrer moins niaisé aujourd'hui à soir. C'est ça. Mais tu sais, à un moment, c'était comme, c'est sur la qualité et tout, c'était pas ça. Et de voir vraiment Pause quand la série est sortie, puis la première saison et la deuxième, j'ai vraiment aimé. Et j'étais comme, enfin, un peu, tu sais, de la visibilité. Ça explique un peu nos histoires, nos réalités. Et enfin, tu peux mettre autre chose à tes dates aussi. C'est ça. Et là, encore plus avec Legendary. Puisque moi, personnellement, je fais partie d'une Kiki House ici à Montréal, dans le ballroom scene. Donc, ça fait vraiment plaisir de tu sais, d'expliquer un peu... Ouais. À travers comme des séries comme Legendary, de dire « Ok, je suis dans le ballroom, ben c'est comme ça que ça se passe, ça a commencé comme ça, puis il y a des compétitions. » Donc, je suis vraiment très contente petit à petit. C'est sûr qu'on va pas arriver à 100 à l'heure, mais chaque avancée, chaque pas qu'on fait est une victoire. Donc, moi, personnellement, je suis vraiment très contente. Ouais. Toi, Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je trouve ça très positif. Mais toutes les séries comme Pose, RuPaul, Drive et ont été bien reçues. Moi aussi, j'ai vu Pose. J'ai trouvé ça très bien. C'était une première. Et puis, c'est pas juste dans de plus en plus de séries aussi. On voit des personnages noirs queer. Je pense à Sex Education, qui me vient en tête parce que qu'on vient de le voir. Donc, mais tout ça, la seule chose, c'est que ce sont des réalités très américaines. Oui. Ouais. C'est aux États-Unis. Donc, oui, ça montre un bon début parce que, évidemment, ça peut encourager à faire boule de neige ou d'autres communautés et ça peut influencer aussi, j'imagine, la culture québécoise aussi à faire de même s'ils voient que ça marche ailleurs. Mm-hmm. Donc, de plus en plus, ça va. Mm-hmm. Je sais que Massima dit en ce moment aussi, on avait présenté une web série à Folkweer et de Bruxelles, Extra Nostro, et qui en ce moment est en plein financement pour poursuivre le reste de la web série. Donc, malheureusement, c'est ça. Du côté francophone, ça stagne encore. C'est un peu plus difficile. Ben, je pense aussi c'est au fait que les communautés noires, il y a une différence à faire entre les communautés noires anglophones et les communautés noires francophones aussi. Les communautés anglophones queer sont beaucoup plus avancées sur certains sujets que les communautés noires francophones qui commencent, c'est ça. De manière générale, les communautés anglophones sont beaucoup plus avancées sur des questions communautaires et sociologiques que les communautés francophones. Donc ça crée un certain décalage aussi. Oui. Puis est-ce que tu penses que c'est dû au fait que généralement les francophones et les anglophones ont des clivages par rapport à ça, puis pas nécessairement particulièrement aux communautés noires, franco puis anglo? Et j'ai pas bien saisi la question. Dans le fond, est-ce que tu penses que le décalage sur les enjeux sociologiques des communautés noires francophones est dû au fait qu'en général, les francophones, on est un peu plus loin où il y a une certaine distance avec comme ce qui se passe dans le monde anglo-saxon global où genre ça va très vite? Ah oui, je pense qu'il y a un retard à ce sujet, le fait que le contenu est en anglais le plus souvent. Donc si tu ne parles pas anglais, généralement, tu n'as pas accès à ce contenu-là. C'est pas pour rien que les générations qui l'amènent sont généralement des francophones universitaires qui ont accès à cette culture anglaise. Et aussi, je pense qu'il y a une différence culturelle aussi entre francophones et anglophones, dans le sens que les communautés anglophones, selon moi, peut-être ont appris beaucoup plus vite le côté culturel, communauté culturelle. Pas le côté culturel, le côté communautaire. À s'organiser en côté communautaire qui était beaucoup plus fort que du côté francophone où c'était beaucoup plus une question de religion aussi. À cause de la religion, la dynamique et la hiérarchie de pouvoir est différente. Donc, il y a des questions sociologiques à aller voir aussi là-dedans. Oui, puis en plus, je pense, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que ce qui nuit à ça aussi, c'est l'espèce de mythe qu'au Québec, tout va bien, qu'il n'y a pas de racisme au Québec, que la vie est belle. Puis les gens ont tendance à penser, ce qui n'est pas vrai, là, je le dis pour les gens qui nous écoutent, c'est pas vrai, mais les gens ont tendance à penser... Spoiler alert, c'est pas vrai! C'est ça. Mais les gens ont tendance à penser lutte contre le racisme égale États-Unis. Exactement. Oui. Les gens pensent toujours que le racisme, ça concerne les États-Unis et pas eux. Donc ça, c'est une réalité à défaire aussi. Mais en même temps, je ferai attention aussi à ne pas coller la réalité américaine sur la réalité québécoise, dans le sens que le racisme, même s'il y a des similitudes, il y a du racisme partout et non pas juste au Québec et au Canada et aux États-Unis, même en Europe. Uh-huh. Mais dans chaque pays, ça a leur propre dynamique à eux. Donc il faut aussi voir comment ça se véhicule au Québec, qui n'est pas non plus la réalité américaine, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas la réalité américaine que ça n'existe pas ou que c'est moins grave. Donc, faut pas non plus rentrer dans le jeu de juger qu'est-ce qui est moins grave ou plus grave. C'est juste que, qu'importe, il y a un problème, il y a une exclusion. C'est visible qu'il y a une exclusion, juste de par le fait, comme on parlait, du fait qu'il n'y a pas de visibilité dans nos écrans, que les émissions qu'on regarde à la télé, Radio-Canada, ou bien ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit à Montréal quand on sort dans les rues. Donc, déjà là, il y a une discussion qui devrait susciter un intérêt pour cela. Et juste aussi le fait que aussi les communautés noires sont surprofilées par les polices, tout comme les communautés autochtones. Donc, évidemment, ça existe ici aussi. Et souvent, on s'est voilé les yeux là-dessus, effectivement. Et ça continue jusqu'à présent, comme on peut le voir. Oui. Parce qu'avec le premier ministre, ça devient un combat de mots ou bien un jeu sémantique, un duel sémantique qui nuit à la conversation. Ah, mon Dieu, on perd du temps là-dessus. Oui, et c'est ça. À un moment donné, les gens se battent juste pour des mots. Et juste moi, le fait que la question soit aussi politisée est en soi un révélateur du racisme, dans le sens que on a peur de dire les mots, on a peur de faire à des fins purement électorales, selon moi. Oui, absolument. Donc, okay, oui. Donc, juste ça, c'est déjà très, très symbolique de, du racisme et comment, finalement, effectivement, la vie de certaines minorités sont moins importantes quand il s'agit d'avoir des points aux élections. Oui. On joue avec la vie et puis la réalité de certaines personnes pour gagner du pouvoir. Et puis, c'est exactement ça, la définition du racisme, c'est exploiter certaines communautés, exploiter le vide de certaines communautés pour des questions du pouvoir. Oui. Et ouais. Comme je dis toujours aux gens, le racisme n'est pas juste une question. Les gens ont été en Afrique, ils n'aimaient pas la couleur noire et puis ils les ont mis en esclaves. C'est une question de... Parce que ça rapportait de l'argent, ça rapportait oui. du pouvoir. Ouais. Et c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. Ah ben oui. On minimise certaines vies, certaines communautés pour pouvoir encore gagner des élections. Ah oui, c'est je manque de mots, c'est tellement décourageant. On va aller plus profondément dans le racisme au prochain segment. Là, on va juste prendre une petite pause. On va aller chercher un café avec l'argent qu'on a volé au SPVM pour tranquillement, pas vite, les définancer. Et se financer de la caféine avec ça. On finance des bonnes causes. Et on revient dans 20 secondes. Pew! Et sacrement, c'est du gros budget, là, le SPVM. On leur en a pris de l'argent. On est caféinés, les filles! Fait que, breaking news, c'est pas parce qu'on est queer qu'on est exempté d'être raciste. Comme les luttes antiracistes ont été beaucoup plus discutées dernièrement sur les médias sociaux et on va se concentrer spécifiquement sur le racisme comme vécu à l'intérieur des communautés queer et trans. C'est quoi, mettons, des barrières particulière rajoutée aux personnes LGBT noires et racisées en général par rapport à des personnes LGBT blanches dans l'homophobie et la transphobie ordinaire qu'on peut vivre? Petite question, là. Petite question de même, là. Non, mais c'est très... Moi, je trouve ça très vaste, mais je vais laisser Alicia. Ouais, moi aussi, je trouve ça un peu vaste, mais... Peut-être structurer plus? Ben, je dirais, qu'est-ce qui est particulier aux communautés queer noires que les communautés queer blanches ne vivent pas? Ouais, puis de pas comprendre, genre, ouais. Moi, personnellement, ça fait, disons, 13 ans que je suis ici au Canada. Et c'est sûr qu'il y a eu des barrières que j'ai eu plus des barrières au courant de tout mon vécu ici à Montréal. Mais encore plus, je pense, depuis ma transition. C'est là où je réalise encore plus. C'est que ce soit pour l'accès dans le système de santé, que ce soit l'accès à un travail sur le marché de l'emploi, au niveau de la santé, au niveau des services, le fait d'avoir accès aux services gouvernementaux et de demander quand même à ce que notre nous-mêmes soit validé, puis comme c'est-à-dire oui. par les pronoms, par le fait d'être respecté par le nom usuel qu'on aimerait utiliser, donc toutes ces difficultés et ces barrières sont vraiment comme venues depuis comme 2016. Je les voyais pas trop avant, tu sais, avant ma transition, parce que c'est sûr que je travaillais, tu sais, j'avais un médecin, j'avais accès à tout, mais il y a eu plus de difficultés, tu sais, Laurent était peut-être moins, des gens autour de moi, et je vois que ce n'est pas juste moi personnellement, si je regarde, c'est vraiment plus les personnes, les personnes racisées, donc ça peut vraiment aussi être des gens de d'autres communautés. Mais personnellement, quand je parle à mes consoeurs ou mes confrères, ils vivent la même réalité aussi, l'accès aux soins, l'accès à un emploi, donc vraiment les choses de base, l'accès à un logement, surtout, c'est bête à dire, mais des choses que on ne réalise pas. Tu sais, moi par exemple, pour chercher un logement, disons, et beaucoup de mes consoeurs, on est souvent obligé d'aller avec quelqu'un ou d'envoyer quelqu'un en premier lieu. Parce que si moi j'y vais par exemple pour chercher un logement plusieurs fois et que j'arrive devant le propriétaire, de fait de mon orientation sexuelle et de qui je suis, et moi parfois je dis ça, que je dis c'est plus une double discrimination. Je sais pas si je n'ai pas l'appartement du fait que je sois noire ou que je n'ai pas accès parce que je suis une personne trans. Donc, ouais, ça, ouais. Je sais pas. Parfois, et c'est des questions que je me pose souvent les questions partout quand je suis refusée ou que je n'ai pas accès à quelque chose. Je me dis, est-ce que c'est ma couleur de peau? Ou est-ce qu'ils ont remarqué, tu sais, ils m'ont spoté que, OK, c'est ça, là, puis c'est comme, c'est une personne trans, puis, tu sais, ils sont pas à l'aise, puis sont sur le sujet, qu'ils sont pas ouverts d'esprit. Donc, ça, c'est vraiment, surtout dans la sphère du travail, l'avoir accès à un travail, c'est bête à dire, parce que quand même, j'ai beaucoup d'expérience. Moi, j'ai commencé à travailler depuis 2016 jusqu'à 2016, donc, c'est quand même, j'ai quand même beaucoup d'expérience sur le CV. Oui. Mais pour avoir accès à un travail, c'est très difficile. Et même là, quand on pense avoir gagné la partie en ayant accès à un travail, c'est là où le vrai match commence parce que là, tu es à l'intérieur, mais c'est souvent les collègues de travail, c'est au début, c'est comme on dit, la lune de miel, tout va bien, tout est bon, mais après, tu as toutes les difficultés qui viennent, puis, Souvent, quand on a eu le temps d'en parler avec les gens autour, ils trouvent un moyen de pouvoir nous remercier, de montrer la porte de sortie. Tout ça, c'est le milieu de travail. Par exemple, si on est, admettons, on est obligé de travailler, par exemple, avec une population. Par exemple, si c'est un travail qui, on est obligé d'être toujours en échange avec les gens, c'est vraiment difficile de pouvoir de pas faire son travail sans que la question de le fait qu'on soit trans remette en question, puis qu'il y a beaucoup de gens, mes consoeurs ont perdu des emplois. Généralement, c'est pas parce qu'elles faisaient bien leur emploi, mais c'est plus la clientèle, généralement, qui n'était pas à l'aise de voir une personne trans travailler dans certains secteurs. Donc, c'est vraiment difficile. C'est des combats tous les jours que peut-être, tu sais, d'autres personnes qui sont pas issues de la communauté noire n'ont pas tant de difficultés. Donc, c'est ça. Donc, il y a vraiment des difficultés dans toutes les sphères, dans tous les domaines. Et c'est triste à dire, mais c'est ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de niveaux. Tu sais, on le sait, c'est un phénomène connu, j'allais dire au Québec, mais en Amérique blanche et en Occident. Mm-hmm. Tu fais juste envoyer ton CV. Ton nom, c'est pas Nancy Tremblay de Chambly, c'est Alicia Kazobinka. Fait que déjà, la personne, elle peut faire comme « Ah, oh, ça sonne pas québécois, ce nom-là! Mm-hmm. » Puis après ça, il y a le layer qu'il faut que tu te présentes là-bas, qui est possiblement un coming out, dépendamment comment ça va se passer avec la personne. Fait que des fois, les gens s'imaginent pas le nombre d'étapes où, à chaque étape, il y a un petit coming out supplémentaire. Pour... C'est ça. Par exemple, moi, je suis pas née ici au Canada, donc j'ai immigré ici. Donc, c'est sûr que j'ai fait toute la demande résidence, citoyenneté. Puis, avant que par exemple, moi, j'ai travaillé dans une institution bancaire. Puis, quand j'ai commencé ça en tant que caissière, j'avais pas tout ce qui est le nom légal était changé. Donc, c'est vraiment difficile parce que on est obligé souvent d'envoyer un CV avec notre dead name. Puis, tu sais, disons le dead name, tu vois, c'est l'ancien nom. Puis là, tu te présentes. Bonjour, mon nom, c'est tel. Donc, je suis venu. T'as une identité de genre qui ne fait trop pas ce nom-là. Puis là, tu demandes de t'arrêter dans un autre nom. C'est ça, la présentation, voilà. Puis, tu peux pas juste mettre les gens devant le fait accompli, en fait. C'est ça. Donc, souvent, ça crée, bon, pour les gens qui n'ont pas accès, qui sont pas citoyens et qui n'ont pas accès encore à pouvoir changer leur nom de famille, leur prénom et leur gender mark sur les papiers, c'est vraiment difficile. C'est un struggle encore plus parce qu'ils sont obligés devant la loi de mettre leur ancien nom. Puis souvent, quand ils vont travailler, oui, c'est sûr que tous les papiers, les chèques et tout, ça va être toujours sur l'ancien nom. On peut faire une exception d'utiliser un nom usuel ou demander aux collègues de travail d'utiliser tel nom pour la personne. Oui. Mais tout ce qui est légal, administratif, c'est toujours sur l'ancien nom. Donc, ça crée vraiment une barrière souvent pour les gens qui sont pas nés ici et qui n'ont pas eu la chance de changer leur nom, d'utiliser le dead name pas par choix. Donc, ça crée des barrières. Puis oui, c'est sûr que le nom de famille, souvent, ça crée des barrières. Que ce soit à l'accès à l'emploi ou dans d'autres sphères. C'est vraiment dommage, mais c'est ça la réalité. Oui, parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est important de savoir que les droits pour les personnes trans sont pas les mêmes que pour les personnes trans migrantes. Non. Il y a des différences et malheureusement, ces différences-là, c'est beaucoup plus de barrières pour les personnes transmigrantes. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup de chemin, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. C'est sûr que là, on essaye vraiment à demander à ce que peut-être, je ne sais pas si c'est encore, c'est déjà d'actualité, ou à ce que peut-être les gens qui soient résidents permanents puissent déjà entamer à changer ne serait-ce que leur prénom et leur la mention de genre sur les papiers. Ouais. Question d'essayer, parce que c'est vraiment... moi, personnellement, quand je l'ai fait que c'est arrivé en 2018, ça a carrément changé ma vie, ça a diminué encore de moins ma dysphorie. C'est sûr, ouais, qu'il y a beaucoup de barrières, parce que c'est sûr que ma transidentité, elle n'est pas cachée. Soit ça s'entend, soit on le voit. Donc, je ne suis pas, tu sais, la fille petite, 5 pieds 7. Pour les gens qui ne me voient pas, tu sais, c'est comme on dit, chez la grande girafe de 6 pieds 3 qui débarque sans mes bottines. Donc, tu sais, qui me voit, qui porte. Donc, c'est pas évident. Puis, c'est sûr que quand on se moule pas, on peut, pour beaucoup de gens, on est souvent leur première personne qu'ils rencontrent. Donc, ils ont souvent tous les stéréotypes qu'ils ont vus sur Internet ou qu'ils ont entendus. Et ils prennent même pas la chance de ne serait-ce te connaître ou essayer de savoir qui tu es. Tu sais, ils prennent directement ce qu'ils ont dans la tête. Puis souvent, ouais, ça nous... Ouais. Oui, parce que... Pour une personne qui est racisée, c'est un classique, la conversation qui commence par « Pis toi, d'où tu viens? » C'est assez régulier, mais là, si en plus tu es une personne queer, si en plus tu ne corresponds pas nécessairement au stéréotype de genre, il y a juste encore plus de questions qui arrivent. Oui. Ce qui me fait me demander, c'est connu dans la communauté homme-gay, il y a clairement des tensions raciales, il y a énormément de blancs gays qui sont racistes. Je me demandais, est-ce qu'il y a cette même tension-là entre les communautés trans blanches et les communautés trans noires, ou il y a un meilleur dialogue? Je ne vais pas m'en mettre sur un terrain glissant. ça en disait long, ça. C'est une question qui en dit beaucoup, ça. C'est une question, I wasn't ready. Non, mais... Je trouve, moi personnellement, c'est sûr qu'il y a une différence. Il y a pas cette solidarité. Moi, je vais être claire et nette et précise. Il y a ces mêmes difficultés. Elles se retrouvent. Parce que moi, c'est sûr qu'avant de faire ma transition, c'est sûr que j'étais dans la case gay. Donc, c'est sûr que ce que j'ai vu avant, c'est la même chose que je retrouve ici. Et il n'y a pas vraiment autant de solidarité aussi dans la communauté. Je trouve que c'est un peu plus, tu sais, c'est entre femmes. Il y a vraiment beaucoup de compétition. C'est vraiment qui est le plus passable, qui a eu autant de chirurgie, qui a les moyens, qui a tel bagage, tel background, qu'est-ce que la personne fait, dans quel milieu, dans quelle sphère la personne est. Puis tu sais, est-ce que c'est une personne qui est connue, qui a une influence, ou c'est une personne qui est dans d'autres domaines. Donc, je trouve qu'il y a ce manque de collaboration, ou le fait qu'on s'entraide entre nous. C'est vraiment dommage, mais on va dire les choses telles qu'elles sont. Non. Oui. Disons-le. C'est ça. On est là pour dire, pour parler de la réalité, mais c'est ça. Donc, c'est la même chose que dans la communauté gay. Malheureusement. Comme quoi... Puis tantôt, on disait quelque chose, puis ça m'a fait penser... Par exemple, moi, la voix, par exemple, c'est pas quelque chose qui est fiché. Souvent, c'est dans les institutions, au niveau bancaire, ou quand j'appelle avec les affaires du gouvernement. Pour, par exemple, les femmes trans, les gens pensent que, OK, une transition, la voix, elle change. La voix, elle change pas malgré toutes les l'hormonothérapie, toutes les pilules, les injections que tu vas prendre. Oui, c'est quelque chose, certes, que ça se travaille avec le temps avec un orthophoniste, mais ça change pas du jour au lendemain comme une personne qui transitionne de femme à homme. Donc souvent au téléphone, il y a des barrières où on se fait mégenrer à longueur de journée. Et où on n'a même pas accès à certains services, parce que souvent ils vont nous dire comme quoi on a essayé de frauder le compte. Moi, ouais, j'ai ouais, plusieurs ouais, fois ouais. Où, oh, mon Dieu. En appelant à la banque, j'en ai entendu. Ben oui, oh. En appelant à la banque, je ne veux pas savoir comment je n'aime plus faire affaire avec le service en ligne, puisque c'est souvent on marque fraude, où j'ai dû me déplacer à la banque pour montrer qu'effectivement, c'était moi qui avais appelé et tout, ah, et, ouais. Tout et tout. Ou au niveau du gouvernement, ou tu sais, quand tu appelles Revenu Canada, Revenu Québec ou d'autres organismes, les gens, quand ils entendent, ils me disent « Mais non, c'est pas madame. » Même si c'est changé et tout, c'est pas madame. Ouais. C'est directement, ils bloquent, ils mettent fraude, ils mettent usurpation d'identité. Puis, il faut se déplacer, c'est lent. C'est là où on voit qu'il y a encore beaucoup de choses. Puis, il garde pas track, là. T'es comme « Je peux pas me faire voler mon identité 10 fois par année, là. Genre, c'est bien moi. » C'est... Donc, c'est toutes des réalités qu'on vit, que les gens n'y pensent pas trop, mais ça devient. Ouais, c'est tannant à un moment donné. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais. Je sais pas pour Laurent. Oui, moi. Ce qu'il en pense. Et il y avait eu deux questions là. Il y avait la première question. Bon. Moi, je peux résumer rapidement la question et pour les différences entre queer, entre les personnes queer noires et les personnes queer blanches, ben, là, c'est le côté communautaire. Par exemple, moi, à mon époque, début 2000, et quand j'ai fait ma sortie du placard, c'était l'invisibilité, au fait. Mm-hmm. Et puis le fait que quand je disais être gay était symbolique de tu perds un peu ta communauté noire et le soutien de ta communauté noire. Des fois, à cause de l'homophobie. Et ouais. Parce que c'est considéré comme quelque chose de blanc. Donc, c'est considéré comme tu perds un peu ton identité-là pour la communauté noire. Mais ce qui arrive, c'est que ça crée que tu peux vivre une plus forte solitude dans le sens que dans la communauté, en général, tu es perçu comme noir et puis tu ne vis pas non plus les, entre guillemets, privilèges ou bien de personnes blanches, mais ouais. T'as pas non plus le soutien de ta communauté à cause de de ton orientation sexuelle. Donc, ça augmente le côté, ça augmente la solitude et ça augmente le fait que tu as moins d'espace où tu peux être. Et puis, c'est vraiment ce conflit identitaire qui peut être très différent. Mm-hmm. Peut-être qu'en ce moment, ça peut changer parce que de plus en plus, il y a des personnes noires, gays qui s'affirment et puis l'homosexualité ou la transsexualité, tout ça, les questions LGBT sont moins associées à une identité blanche, contrairement à avant. Donc ça peut avoir changé. Mais ce qui change, évidemment, c'est toujours le fait de dealer avec deux discriminations comme le racisme aussi. Parce qu'effectivement, il y a aussi le racisme dans la communauté LGBT qui peut se manifester de diverses manières et pas juste d'une manière non plus. Et des fois, le racisme non plus, c'est ça. Et je tiens à spécifier que le racisme n'est pas forcément violente et méchante et haineuse. C'est ça que les gens ne comprennent pas parce que beaucoup de gens ne vont jamais reconnaître qu'ils sont racistes parce qu'ils voient le racisme comme quelque chose de trop négatif, peut-être, dans le sens qu'ils voient ça comme de la violence. Mais des fois, ça peut être très subtil. L'objectification et la fétichisation des personnes noires, par exemple, peut être une forme, être une forme de racisme. Mais des fois, c'est ce qui arrive où ça peut être très difficile parce que, dans le sens de le remarquer ou de le soulever, c'est que dans la communauté LGBT, pour les hommes du moins, là c'est vraiment très masculin, il y a une et les hommes qui généralement s'objectifient et se fétichisent en partant sous les réseaux sociaux, c'est premièrement c'est les images, c'est le corps, donc automatiquement que tu es dans cette culture-là, donc il ne suffit qu'à faire un pas ou deux pas de plus pour tomber dans la fétichisation du corps noir donc c'est pour ça que je dis c'est entremêlé avec comment la culture gay fonctionne aussi. Donc, qui fait que des fois, ça rend ça plus compliqué à défaire. Et avec la manière dont fonctionne cette communauté-là aussi. Mm-hmm. Et oui, tu allais dire quelque chose? Oui, parce que tantôt, tu disais, des fois dans les communautés noires, être une personne queer, c'est vu comme un phénomène blanc. Puis je me demandais, je faisais comme un constat, c'est que ça me donne un peu l'impression que le racisme blanc, en ne montrant pas de personnes queer noires à la télé, implante l'idée dans d'autres communautés qu'il y a juste des homosexuels blancs. C'est, quand on parle de systémique, là. Mais une chose aussi que moi, où je suis, je fais attention, je ne pense pas non plus que tout est de la faute et de l'homme blanc ou du racisme blanc non plus. Je pense que quand je parle de racisme systémique, c'est, moi, je ne conçois pas que c'est uniquement une communauté ou une frange de la communauté qui serait responsable dans ce cas-là, les communautés blanches. Mais je tiens à dire que c'est vrai que les personnes blanches ou bien la communauté, entre guillemets, je dis mais bien entre guillemets, la communauté, les personnes blanches, ont plus de pouvoir dans le sens que c'est eux qui ont qui dirigent principalement les boîtes de production, les chaînes, etc. C'est eux qui sont sous les CA, donc ils ont beaucoup plus de pouvoir effectivement pour changer les choses. Mais en même temps, ils peuvent pas changer les choses seuls non plus, et les personnes noires ne sont pas des personnes non plus qui victimes ou qui sont soumises non plus, dans le sens que eux aussi, ils peuvent être acteurs, ils peuvent avoir des motivations. Donc, les cultures noires aussi ont leur propre dynamique et d'oppression à l'intérieur d'eux, de sexisme et d'homophobie, qui ne dépend pas uniquement de ce que les personnes blanches montrent ou pas. Effectivement, là où je suis d'accord, c'est vrai que si la télé en général et le cinéma en général montrent ces réalités-là, ça devient plus difficile de dire que ça n'existe pas. Et moi, je l'ai vécu quand je faisais des interventions dans les écoles secondaires avec les films, les documentaires que j'avais réalisés pour Arc-en-Ciel d'Afrique, où les gens disaient, t'es la première personne et gay que je vois, et puis les autres, la deuxième, ben, ce sont les personnes que je vois dans le film que tu viens de montrer à Montréal. Donc, voir ces réalités-là, effectivement, c'est important. Mais aussi, c'est pas juste les voir, parce que les personnes noires, par exemple, si tu leur dis que tu es gay, eux aussi vont dire, oh, mais ça ne vient pas de nous, etc. Il y a ce refus de voir que ça vient d'eux, même si ils en connaissent parmi eux aussi, parce qu'effectivement, je pense pas qu'ils ont besoin, avant d'en voir à la télé, comme dans ma famille, c'est sûr qu'ils avaient entendu parler de personnes noires qui étaient gays, qu'ils se voyaient, mais c'était tellement tabou qu'ils n'en parlaient pas, qu'ils vont taire ces réalités-là, qu'ils vont tellement les taire qu'ils sont même pas venus à se faire croire eux-mêmes que ça n'existe pas. Parce qu'ils les ont complètement invisibilisés. Donc, c'est très important que moi aussi je dis que oui, les personnes blanches ont du pouvoir pour changer les choses parce qu'ils ont un pouvoir dans les directions. Mais c'est un travail qui se fait quand même à deux et je tiens, c'est important d'avoir ce dialogue-là et c'est pas juste une personne qui est responsable. Non, c'est ça. C'est pas un individu qui est responsable de la communauté non plus. Puis, même à l'intérieur de toutes les communautés, toutes les personnes homosexuelles ne sont pas de grands militants homosexuels non plus. T'sais, des fois, c'est ça aussi. Et puis, je dirais que même une personne n'a pas à l'être non plus parce que ça demande tellement d'énergie. Tu peux tellement te mettre en situation vulnérable. Des fois, tu ne peux juste pas être outillé pour le faire non plus. C'est vrai, c'est très vrai. Mais parlant, mettons, de gens dans la communauté qui ont du pouvoir, de l'influence, qui peuvent faire des choses pour changer les choses. Fierté Montréal multiplie les initiatives pour mettre de l'avant la communauté LGBTQ racisée. Encore cette année, online, on s'entend, parce que on n'a pas été fiers en personne. Mais il y a quand même eu leur Afro-fierté, une fierté Latinx, une programmation généralement de plus en plus diversifiée. Est-ce que, somme toute, c'est assez, on est satisfait? Qu'est-ce qu'on pense du virage de fierté? Et ça aussi, c'est quelque chose que je peux être critique par rapport à ça. Let's go, on est ici pour ça. C'est le côté talking in things, qu'on appelle en anglais, la question de redorer son image, disons. On va vous parler de redorer son image. Parce que, exemple, je vais commencer par dire oui, c'est très bien ce que Fierté est en train de faire. Mais non, mais on peut pas dire que c'est mal, tu sais. Je veux dire, c'est sûr que c'est cool, tu sais. Est-ce que c'est assez, though? Non, donc, pour commencer, je vais commencer par le positif. Oui, et c'est très bien. Mais là-dessus, l'horreur. Oui, c'est bien. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, non, mais c'est vrai que par exemple, Arc-en-Ciel d'Afrique existe depuis 2004, et puis depuis 2008, 2009, Arc-en-Ciel d'Afrique est en discussion avec Fierté. Bon, c'était pas moi qui étais en discussion avec eux, c'était l'ancienne directrice, c'est l'ancien CA. Mm-hmm. Et puis, les rapports étaient toujours, ils n'étaient pas toujours difficiles. Pour dire la vérité, Fierté Montréal a commencé à changer de dynamique face aux personnes, aux communautés noires, après l'événement de Black Lives Matter Toronto. Donc, c'est pour éviter les critiques de racisme qui étaient en train d'être dirigées vers lui, vers cet organisme-là, que ça a changé. Donc, et ce qui est arrivé avec, une fois que c'est arrivé avec George Floyd, tous les mouvements et antiracistes, et puis le fait qu'on commence à critiquer, à shame, entre guillemets, certaines organismes et certaines cultures, certaines personnes se sentent visées et réagissent en fonction de ça. Donc, oui, c'est bien. Au final, on peut dire l'action est positive parce que au final, ce qu'on ressort, c'est que on voit des personnes noires queer et puis on voit des personnes noires queer artistes qui s'expriment. Mais le fait qu'on soit toujours dans une, mais faudrait sortir de la dynamique que je fais telle chose pour éviter des critiques ou bien pour éviter, pour redorer mon image. Ouais. Ça, c'est parce que ça crée ce que moi je critique, ce qui est arrivé en mai. Avec la mort de George Floyd, et puis où ça qu'il a fallu que quelqu'un meure dans la caméra pour que tout le monde réalise que c'est horrible le racisme. Je veux dire, si on doit arriver là pour faire des actions, c'est que c'est très grave, c'est que c'est lié trop tard. Puis c'est la preuve qu'il y a un manque de volonté. Oui. Donc, pourquoi ne pas le faire quand les personnes le disent calmement, à voix basse, et puis veulent discuter? Donc, ça veut dire qu'on force les personnes noires à crier et puis à gueuler très fort pour pouvoir les écouter. Et puis après, on va dire, mais ils gueulent trop fort. Tout ça, c'est ça. Oui, là, c'est ça. Après ça, les blancs, ils débarquent et ils nous sortent le angry black person. Donc oui, effectivement, c'était de bonnes actions, mais c'était pas assez. On n'a pas commencé à exister en 2018, en 2020. Non. Non. Donc c'est ça aussi. On existait depuis 2005, pourquoi en 2009 ça n'a pas été fait, pourquoi en 2011 ça n'a pas été fait, pourquoi en 2014 ça n'a pas été fait, pourquoi il a fallu attendre que Black Lives Matter à Toronto bloque une fierté et qu'ils aient eu peur qu'on les critique, qui fait qu'ils ont pris certaines démarches. Donc oui, donc c'est ça, c'est à double tranchant. Oui, c'est bien, mais on aimerait que, moi surtout, je parle de moi peut-être, j'aimerais que qu'on n'attende pas que des gens meurent ou bien qu'on n'attende pas que les communautés soient remplies de colère et de frustration pour les écouter non plus. Ben oui. Je pense qu'il faudrait que les organisations changent d'attitude, puis au lieu d'avoir peur de se faire accuser de racisme, ils devraient plus être enthousiastes à l'idée d'être antiracistes. Parce que c'est souvent ça, les gens ont plus peur de se faire dire qu'ils sont racistes que de dire quelque chose de raciste. Et c'est en même temps, c'est comme je dis, c'est pas juste les organismes. C'est pour ça que je dis que ce sont des questions sociétales, donc ça reflète la société en ce moment. Par exemple, si un premier ministre a peur de dire qu'il y a du racisme systémique, parce qu'il a peur des réactions que ses citoyens vont avoir envers lui aussi. Beaucoup donc, plus qu'il y a peur du racisme systémique et de ses impacts, en fait. Là. Oui, c'est ça. Donc, il y a un gros travail d'éducation aussi, il y a sensibiliser les gens. Ben, en fait, oui, effectivement, il faudrait commencer que les dirigeants, que les personnes en pouvoir osent dire les mots et puis osent faire des changements. Et parce que tout ça, c'est le même système capitaliste, ok, mais je fais des actions en fonction de ce que les gens vont dire, de ce que ça me rapporte. Donc, et cette dynamique, c'est exactement ce genre de dynamique qui a créé le racisme. Oui. Qui fait que ça existe parce que, en fonction de ce que ça rapporte, de l'argent que ça rapporte, on met de l'avant certaines choses ou pas. Et on ne parle pas des vraies choses en tant que telles, de certaines réalités. Ça veut dire que tant qu'une communauté n'a pas de pouvoir économique ou bien n'a pas de pouvoir social, n'a pas d'impact social, elle mérite d'être invisibilisée. Ce qui est bien sûr faux. Oui, non, c'est ça. Mais je veux dire, ce genre de dynamique-là, c'est ce que ça sous-entend. Alicia, t'es parue dans le magazine Véro en octobre dernier avec 10 autres femmes noires pour une édition antiraciste au profit de la librairie Racine. Ça, j'avais pas vu ça. J'avais vu le truc passer, que l'argent était donné à la librairie Racine. C'est fucking cool. Ça faisait quoi de parler de racisme dans un magazine aussi grand public au Québec? C'était pour moi, je me rappelle en fait, tout a commencé en fait au mois de juin quand ils m'ont contacté. J'en revenais pas. J'ai juste fermé le téléphone, réouvert le téléphone, fermé le courrier. J'étais comme, non, ils se sont sûrement trompés. Puis, au mois de juin, c'est comme, au début, j'ai hésité. Parce que j'étais comme, pourquoi? C'est parce que c'est maintenant. Est-ce qu'ils vont utiliser peut-être mon nom, mon image, ou le fait que je sois une personne trans? Ou tu sais, il y a plusieurs questions que je me suis posées au début. J'en ai parlé à mes proches. Quand c'est trop beau, tu te méfies, là. C'est ça. Puis après là, j'en ai parlé vraiment à mes proches autour pour avoir leur avis et savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé. Puis ça rejoignait un peu le même ami que j'avais pour dire mais pourquoi c'est maintenant? Est-ce que tu sais, ils vont pas faire des profits par rapport à ça? Puis quand j'ai vu que le fait qu'ils ont quand même plutôt Véronique Loutier a tenu vraiment à donner une voix à toutes les femmes, puis surtout vraiment toutes les femmes, vraiment comme inclure vraiment même les femmes trans, j'étais comme ok, mm-hmm. ça c'est nice. Puis de donner comme c'est ce que ça rejoint en fait la mission que j'ai aussi en tant que porte-parole, c'est vraiment de porter la voix, de vraiment d'être pas seulement pour Massimadi mais vraiment pour toute la communauté trans, même transracisée, qui n'ont pas de plateforme ou qui n'ont pas tu sais beaucoup d'outils comme moi. Donc je me suis dit ben ok, je vais essayer de parler de ma réalité et d'essayer d'éduquer en fait les gens. Et finalement j'ai après quelques hésitations ben j'ai accepté. Donc c'était quand même assez intéressant d'expliquer. C'est sûr qu'il y avait peut-être il y a des gens qui savent pas parce qu'à la base on devait être 7. Donc j'ai quand même fait une plus grande entrevue, donc ça a duré plus longtemps que ça. Que juste 3 questions. Donc là, j'ai répondu à vraiment comme plusieurs questions. Puis après, on s'est retrouvé. Ah, il y aura 11 femmes. J'étais comme, OK. Puis là, on a essayé de relire. No more bitches, only comme, me. Mais là, j'étais comme, OK, super. Et genre 7. OK, waouh. 7, pour moi, 7, c'est un chiffre c'est assez symbolique dans la numérologie. J'étais comme, OK. Puis là, ils m'ont dit, ah, finalement, on va être 11. Donc, c'est sûr qu'il y avait plein de choses que j'avais répondu. Il y avait d'autres questions qui étaient plus intéressantes que vraiment pour faire un peu de place aux autres personnes. Tu sais, on a dû diminuer et mettre moins de questions. Donc là, j'étais un peu déçu pour être honnête. Poursuivre. Mais c'est ça. Mais quand même, ça m'a donné une possibilité, juste avec ces 3 questions et d'avoir vraiment une visibilité, d'avoir d'autres podcasts ou d'autres personnes qui ont voulu entendre encore plus à mon sujet. Non, donc, un bien pour un mal. Ouais. Excellent. Sur ça, on va aller se chercher un dernier petit café et on va passer à la conclusion. Et c'était tout pour l'émission de cette semaine. On vous remercie d'avoir été à l'écoute et bien sûr, on remercie nos invités Laurent Lafontaine, coordonnateur et président de l'organisme Massimadi, ainsi que Alicia Kazobinka, porte-parole de l'organisme Massimadi. Est-ce qu'on a des petites plugs à faire? Qu'est-ce qui s'en vient de votre côté? J'imagine qu'on a l'édition Massimadi de 2021 qui s'en vient. Oui, Massimadi, c'est 2021 s'en vient en février, du 18 février au 26 février. Excellent. Alicia, est-ce que tu avais une petite plug? Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, oh, ben merci. Donc, on peut toutes me suivre sur toutes les plateformes, en fait, Instagram, Facebook, Alicia Kazobinka, en un seul mot. Pour rester à l'affût de tous les projets, podcasts et tout ce qui s'en vient pour le futur, en espérant qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui soient annulées avec cette pandémie, mais je vous promets beaucoup de belles surprises au courant de ces prochaines semaines. Oui. Surveillez aussi, Alicia, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu as un YouTube channel qui s'en vient. Oh my God, why did you say that? It was a surprise, oui! Oh, j'ai volé la surprise! Mais je te suis déjà sur YouTube! Ouais, donc y en a une qui va venir, donc elle a été créée, donc là c'est sûr qu'après, il faut juste maintenant commencer à faire du contenu. Mais oui, c'est ça. Donc ça s'en vient. On va suivre ça, puis dès que ça sort, on va le partager. Super, merci beaucoup. Parlant de réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2, fif avec un X à la place du I, parce qu'on ne veut pas se faire shutdown par la police des mœurs, et tout ça en un mot. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez des podcasts, de nous share, de commenter, envoyer des DM à Jess, dites-lui comment vous trouvez bon, toute l'équipe. Alors, on se revoit la semaine prochaine, les Moons. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.